Thank you. पादुने उपेक्षा विपाका इदे नित्य निस्को पेतिया पाहुनी योगी तेवे जस्ते कर्तेवे इदे देखी जलाचे ती तेजे विमे हो नची पे लाभी कर्मे दी La foi n'est pisable, mais juste d'amour et pour moi coupable, pour me sauver sans enfuir épargne. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, je n'ai que t'aimer. Il est écrit cela suffit, que Jésus-même au bonheur suprême, la Bible me le dit. Puisque vainqueur il sortit de la tombe, voilà l'agneau du grand sauveur du monde, il règne au ciel, intercède pour moi. Et viens bientôt me chercher, je le crois, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus est au bonheur suprême, la Bible me le dit. Oh oui, oh oui, c'est vrai. Yeah.